arriver. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم أما بعد أحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير ويمن وبركة وأن ينفعنا بما نسمع وما نقول كما تعلمون اليوم إن شاء الله في هذا المسجد الطيب المبارك ستقام محاضرات ثلاث وقد سأقوم بإلقاء المحاضرة الأولى التي هي بعنوان مكانة الصحابة في الإسلام. Donc, dans cette mosquée, Inch'Allah, la mosquée de Noyon, il y aura aujourd'hui donc trois conférences entre Dhuhr et l'Asr. Inch'Allah, donc, je vais me charger de la première conférence qui a pour titre la place ou bien le statut des compagnons, radiallahu anhum, dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers ses serviteurs par sa bonté, par sa grâce, par sa miséricorde afin qu'il les fasse sortir des ténèbres vers la lumière et afin qu'il les guide vers le droit chemin et qu'il les mette en garde contre les chemins de l'égarement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rempli cette tâche de la meilleure des manières en incitant son peuple à suivre le droit chemin et en les mettant en garde contre le mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi un peuple pour accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son message. Et pour recevoir le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour ensuite propager ce message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah a choisi un peuple qui est donc qui est la meilleure nation de la communauté musulmane. Les compagnons sont les meilleurs musulmans et les musulmans sont la meilleure des nations. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, vous êtes la meilleure des communautés que nous avons fait sortir vers les gens. Et les compagnons radiyallahu anhum ont été honorés par Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir pu rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'avoir pu écouter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avoir pu également observer le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est décédé, les compagnons, radiyallahu anhum, ont pris la responsabilité de propager cette religion jusqu'à ce qu'elle arrive à nous. Alhamdulillahi rabbil alamin, le Coran et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous sont parvenus grâce aux compagnons, radiyallahu anhum. Donc la définition du compagnon. Quand est-ce qu'une personne, on peut l'appeler compagnon? Et quand est-ce qu'une personne, on ne l'appelle pas compagnon? Est-ce que toute personne qui a vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam est considérée comme compagnon? Hein? Quelle est la réponse? Non. C'est quoi les choses qui font rentrer une personne dans ce groupe? Man ra'ahu? Man ra'ahu wa huwa mu'min. طيب شخص أعمى أو سمع صح من لقي نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يكفي هذا وآمن به نعم مؤمنا به ويكفي هذا ومات على هذا ومات على ذلك Donc il faut trois conditions pour que la personne soit considérée comme compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait d'avoir rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ayant cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en son message en l'islam, et que la personne meure musulmane. C'est-à-dire que si une personne, elle croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle meurt musulmane mais qu'elle n'a jamais rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un compagnon. Comme, par exemple, Al-Najashi. Najashi, il a cru au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort musulman mais il n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était en Abyssinie. Également, une personne qui aurait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui aurait cru en lui, mais qui ne serait pas mort musulman. Comme Abdullah ibn Khattal, il a délaissé l'islam, il ne fait pas partie des compagnons. Donc il faut bien que ces trois choses soient réunies pour que la personne soit considérée comme compagnon. Man laqiya nabiy sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala zalik. Et les textes du Coran et de la Sunna sont remplis donc de textes, de versets, de hadiths obligeant les musulmans à aimer les compagnons radiyallahu anhu et à être les alliés des compagnons radiyallahu anhu. Et donc le fait d'aimer les compagnons et d'être leur allié est une obligation. Ça fait partie de la religion. Comme il est obligatoire de prier, comme il est obligatoire de croire en Allah, ses anges, il est également obligatoire de croire, d'aimer les compagnons radiyallahu anhum. Donc cela fait partie de la foi, cela fait partie de la religion. Et à l'inverse, le fait de détester les compagnons radiyallahu anhum est un acte de mécréance et de désobéissance. Car donc, ce sont eux qui nous ont apporté la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la religion l'islam. Et donc le fait de détester ces gens-là en revient à détester ceux qui ont propagé la religion musulmane, ce qui amène en fait à détester l'islam. Si par exemple tu entends un hadith d'un compagnon que tu détestes, est-ce que tu vas prendre ce hadith? Tu ne vas pas prendre ce hadith. Donc il faut aimer les compagnons radiyallahu anhum du premier jusqu'au dernier, les plus importants d'entre eux jusqu'au moins important d'entre eux. Il faut que le musulman aime les compagnons dans leur totalité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns les autres. Et les compagnons radiyallahu anhum sont ceux qui rentrent assurément dans ce verset, du fait que c'est eux qu'ils ont été interpellés par le Coran. Lorsque Allah dit wal mu'minuna wal mu'minat, ça descend sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui les croyants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est les compagnons radiyallahu anhum. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ils sont alliés les uns les autres. Et donc il nous faut être alliés des croyants et à la tête de ces croyants les compagnons radiyallahu anhum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit comme dans Sahih al-Bukhari: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. Parmi les signes de foi, le fait d'aimer l'Ansar. L'Ansar, ceux qui habitaient à Médine au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré, les musulmans. Donc parmi les signes de croyance, le fait d'aimer l'Ansar. Et parmi les signes d'hypocrisie, le fait de détester l'Ansar. Et le fait d'aimer les compagnons radiyallahu anhum et d'être leur allié et de les secourir possède des fruits ici-bas qui permettent donc, Allah subhanahu wa ta'ala, par l'amour du croyant pour les compagnons, Allah subhanahu wa ta'ala lui offre des dons de sa grâce subhanahu wa ta'ala. Parmi ces dons-là, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala secourt les croyants tant qu'ils aiment les compagnons radiyallahu anhum. Allah azza wa jalla dit: innama waliyakum Allahu wa rasuluhu wallazina amanu. Ensuite, il dit: وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Celui qui prend comme allié Allah, son prophète et les croyants, sachez que le groupe d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont eux qui obtiendront la victoire. Humul ghalibun. Donc les musulmans, s'ils veulent donc obtenir la victoire, être victorieux ici-bas, il faut qu'ils aiment tous ces gens-là. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète et les croyants, et comme on a dit, à la tête de ces croyants, les compagnons radiyallahu anhum. Ibn Kathir, rahimahullah, le célèbre savant qui possède de nombreux ouvrages. Parmi ses plus célèbres ouvrages, le fait qu'il ait expliqué le Coran dans un livre qui s'appelle Tafsir al-Quran al-Azim. Il nous dit en expliquant ce verset: Kullu man radiya billahi wa kullu man radiya Allahu bi wilayati kullu man radiya bi wilayati Allah wa rasulihi wal mu'minin fa huwa muflihun fi ad-dunya wal akhirah. وكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو منصور في الدنيا والآخرة. Quiconque accepte le fait d'être allié à Allah, à son messager et aux croyants, il sera victorieux ici-bas et dans l'au-delà. Et quiconque accepte d'être l'allié d'Allah, de son messager et des croyants, il sera secouru ici-bas et dans l'au-delà. Également, parmi les fruits et les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les personnes qui aiment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'être ressuscité avec eux yawm al-qiyamah, même sans avoir fait les mêmes œuvres qu'eux. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, il rapporte qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai un rajoulin à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, faqala lahu ya Rasulallah, ma tara في رجل يحب قوما ولم يلحق بهم يعني لم يعمل مثل أعمالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. Il a dit: ô messager d'Allah, que penses-tu d'un homme qui aime un peuple, mais malheureusement il n'arrive pas à faire autant d'œuvres que. Le prophète صلى الله عليه وسلم il lui a dit: المرء مع من أحب. L'homme sera avec ceux qu'il aime. Donc la personne, inshallah, en aimant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal ressuscitera ceux qui les aiment avec eux yawm al-qiyamah. Anas ibn Malik radiyallahu an yaqul anna rajulan ja'a ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam faqala lahu ya Rasulallah mata as-sa'a. Faqala lahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam: wa madha a'dadta laha? Qala ar-rajul: la shay. إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. أنت مع من أحببت. قال أنس راوي الحديث: فوالله ما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر فأرجو أن أكون معهم يوم القيامة بحب إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم حتى يحشروا معهم بسبب هذه المحبة. Donc Anas رضي الله عنه, il nous dit qu'un homme est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم et lui a dit: ô messager d'Allah, quand est-ce que arrivera l'heure, le jour du jugement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne connaît pas la réponse, mal mas'oulu anha a'lamu min as-sa'il, il lui a dit: wa madha a'dadta laha? Qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour-là? L'homme a alors dit: lâchez, c'est-à-dire pas grand-chose, sauf que j'aime Allah et son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit: tu seras avec ceux que tu aimes. Anas ibn Malik, en entendant ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: par Allah, nous n'avons jamais été aussi heureux d'une parole qu'a prononcée le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous avons été heureux de cette parole lorsqu'il a dit: tu es avec ceux que tu aimes. Anas nous dit: car moi j'aime le prophète, j'aime Abu Bakr, j'aime Omar, radiallahu anhum, et j'espère être avec eux yawm al-qiyama, grâce à mon amour pour eux, même si je n'ai pas fait les mêmes œuvres qu'eux. Donc le musulman, en aimant le prophète, en aimant les compagnons, radiallahu anhum, Allah Azza wa Jal, il fera que cette personne, par sa permission, soit avec tous ces gens-là, du fait qu'il les a aimés ici-bas. Également, donc dans les textes du Coran et de la Sunna, il y a de nombreux textes nous obligeant à croire en leur vertu et en leur intégrité. Il faut absolument que le musulman croit en cela, que tous les compagnons radiallahu anhum sont des gens vertueux et ce sont des gens pieux et des gens intègres. Donc dans les textes du Coran, vous trouverez des textes, ou bien les textes du Coran et de la Sunna, vous trouverez des textes qui vantent les mérites des compagnons de manière générale. D'autres qui vantent les mérites des émigrés, d'autres des mérites de l'Ansar, d'autres des mérites d'un groupe de compagnons, d'autres des mérites de certains compagnons en particulier. Et ces textes-là sont très nombreux. Il n'y a pas un livre parmi les livres de la Sunna sans que vous voyez Kitab Fada'il al-Sahaba, c'est-à-dire chapitre des vertus des compagnons radiallahu anhum, et ensuite les auteurs citent plusieurs hadiths prouvant cela. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Les tout premiers croyants parmi les émigrés et les Ansar et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Ce verset, il englobe tous les compagnons radiallahu anhum, al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina attaba'uhum, ceux qui les ont également suivis pour ceux qui viennent après. Donc ce qui prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, Allah il agrée les croyants et eux l'agréent également. كذلك يقول الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé ceux qui ont donné allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre de l'agrément, Shajarat al-Ridwan, l'année de Al-Hudaybiyah. Tout le monde sait c'est quoi Al-Hudaybiyah? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu se rendre l'année 6 de l'Hégire à la Mecque pour accomplir une Umrah et qu'il a été bloqué en chemin par les associateurs à un endroit qui s'appelle Al-Hudaybiyah. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a signé un acte de traite ou bien un acte de paix momentané avec les associateurs, l'année 6 de l'Hégire, ce qu'on appelle Sulh al-Hudaybiyah. Et c'est alors qu'il a demandé à ses compagnons, radiyallahu anhum, de lui prêter allégeance, sous un arbre, qu'on appelle Shajarat al-Ridwan. Et les compagnons, radiyallahu anhum, étaient un peu plus de 1400. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. Tous ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala, les agrée. Allah Azza wa Jal dit également وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. C'est-à-dire, Allah dit aux croyants, Et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le chemin d'Allah, alors que c'est à Allah que revient l'héritage des cieux et de la terre. On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Al-Fath huna wa sulh al-Hudaybiyah. C'est pas Fath Mecca. Ces derniers sont plus hauts en hiérarchie que ceux qui ont dépensé et ont combattu après, c'est-à-dire après sulh al-Hudaybiyah. Or, à chacun, c'est-à-dire ceux qui ont fait, ceux qui ont cru avant et combattu avant, et ceux qui ont cru après et combattu après, chacun, à chacun, Allah subhanahu wa ta'ala a promis la plus belle récompense, et Allah est grand connaisseur de ce que vous faites. Donc également, cela englobe tous les compagnons, radiyallahu anhum, ceux qui ont donné leur bien et combattu avant la conquête, et ceux qui ont fait cela après la conquête. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Al-husna et anil janna. Tous ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis le paradis. ولهذا استدل بعض العلماء منهم ابن حزم الأندلسي على أن جميع الصحابة في الجنة. Ibn Hazm رحمه الله est basé sur ce verset pour nous dire que tous les compagnons radiyallahu anhum font partie des gens du paradis sans exception, car Allah a dit: or à chacun Allah a promis la plus belle récompense. كذلك يقول الله تبارك وتعالى للفقراء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. C'est-à-dire que la récompense des butins appartient aussi aux émigrés besogneux qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, donc lorsqu'ils ont émigré de la Mecque vers Médine, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément auprès d'Allah et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager, ceux-là sont les véridiques. Il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, c'est-à-dire l'Ansar, qui aiment ceux qui ont émigré vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces immigrés ont reçu et qui les préfèrent à eux-mêmes. L'Ansar préférait Al-Muhajirin à eux-mêmes. C'est un grand degré de foi que possédait Al-Ansar radiallahu anhu, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Donc voilà, Allah il nous parle de ceux qui ont émigré et de ceux qui les ont accueillis. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle ensuite de ceux qui vont venir après les compagnons radiallahu anhum. Il dit وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ. Et il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِيْخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. وَهُنَاكَ نُصُوصُ أُخْرَى تُنَوِّهُ بِفَضْلِ الصَّحَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Il y a également d'autres textes dans le Coran parlant de la vertu des compagnons radiallahu anhum et de leur intégrité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans les textes que nous avons cités, il agrée tous ces gens-là, tous les compagnons radiallahu anhum. C'est pour cela que lorsque, admettons, on a un hadith, les savants du hadith, lorsqu'ils observent la chaîne de transmission, est-ce qu'ils regardent les compagnons radiallahu anhum? Hein? Est-ce qu'un hadith a déjà été rejeté par rapport par la cause d'un compagnon radiallahu anhum? Hein? Là, toujours on vous dit le hadith il est faible car dans la chaîne de transmission il y a un tel, ou il y a un tel, ou il y a un tel. Mais pas par, par la présence d'un tel ou un tel compagnon dans la chaîne de transmission. Pire encore, si un tabi'i il nous dit Sami'tu rajulan min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, C'est-à-dire, j'ai entendu un homme parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Qala Rasulullah. Qu'est-ce qu'on prend ce hadith ou pas? Même si on ne sait pas c'est qui. Oui, parce que tous les compagnons ils sont dignes de confiance. Voilà. Même si on ne sait pas c'est qui, ni son nom, ni rien, à partir du moment où il est compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça suffit pour accepter le hadith. Et il n'y a aucun hadith qui est rejeté à cause de la présence d'un tel ou tel compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa min nususi as-sunna hadith Imran ibn al-Husayn radiyallahu an qala nabiy sallallahu alayhi wa sallam khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le meilleur des siècles est mon siècle, c'est-à-dire le siècle pendant lequel j'ai vécu, puis la période qui vient après, puis la période qui vient après. Donc la meilleure des périodes de l'islam est la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il vivait avec ses compagnons, et également la période après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après son décès. Et donc c'était la période donc des compagnons radiyallahu anhum qui vivaient avec les tabi'in. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. Combien ils sont? On a dit tout à l'heure, le prophète sallam dit, aucun des gens qui ont donné allégeance sous l'arbre de l'agrément, Shajarat al-Ridwan, ne rentrera en enfer. On avait dit combien? 1400. Un peu plus de 1400. Il y a des versions où il y a 1400, des versions où il y a 1500. كذلك أهل بدر. بدر c'était quelle année de l'Égypte? Là. بدر c'est la première bataille. L'année 2 de l'Égypte. Non. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. Lorsqu'il y avait eu l'incident avec Hatib ibn Abi Balta'a, donc un des compagnons qui avait informé les associateurs de la Mecque des plans militaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé par Jibril alayhi sallam de ce qu'avait fait cet homme Hatib, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc l'a appelé et lui a dit pourquoi as-tu fait cela. Il voulait en faisant cela que ses proches à la Mecque soient protégés, car donc lui il ne faisait pas partie des gens de Quraysh, mais il avait des proches à la Mecque, donc il voulait en aidant les associateurs qu'il protège ses proches. Omar ibn Khattab en entendant cela a dit ya Rasulallah da'ani adrib 'unuqa hadha al-munafiq, laisse-moi couper le cou de cet hypocrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit da'ahu fa la'alla Allah قد اطلع على اهل بدر فقد اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala a observé les gens de Badr et leur a dit faites ce que vous voulez, je vous ai tout pardonné. Et donc Hatib faisait partie des gens de Badr. Les gens qui ont combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Badr étaient un peu plus de 310. Donc il faut que le musulman il observe tous ces textes du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et essaye de les appliquer donc dans son cœur en aimant les compagnons radiyallahu anhum, en les prenant comme alliés et en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de les agréer. C'est pour ça que le musulman lorsqu'il entend ou bien lorsqu'il prononce le nom d'un sahabi quel qu'il soit, il doit dire après radiyallahu anhu. Il faut, lorsque l'on cite le nom d'un sahabi, on dit radiyallahu anhu, lorsqu'on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, le fait de ne parler des compagnons radiyallahu anhum qu'en bien, en citant leurs qualités, en essayant de les faire aimer auprès des gens, en essayant justement d'enseigner l'amour des compagnons à nos enfants, à nos proches, afin que ce soit une chose ancrée dans le cœur de chaque croyant. Dans le cœur de chaque croyant. Al-Sahaba radiyallahu anhum, idhan kama ta'lamun, hum afdalu al-khalq ba'd al-anbiya. Les compagnons sont les meilleures créatures après les prophètes. Car donc, les meilleures des créatures après les prophètes, ce sont les compagnons de chaque prophète. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est le meilleur des prophètes. Donc, ses compagnons sont forcément les meilleurs des compagnons. Et Allah a dit, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté que nous avons fait sortir vers les gens. Mais malgré cela, les compagnons, radiyallahu anhum, ne sont pas tous au même niveau. Certains compagnons ont plus, ont une plus grande, ont un rang plus élevé que d'autres. C'est qui le meilleur des compagnons? Les quatre califes. Les quatre califes. Al-Khulafa, Al-Arba. Abu Bakr, Omar, Othman, wa Ali. Et leur rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est le même rang et le même ordre que pour lorsqu'ils étaient califes. Donc Abu Bakr est meilleur que Omar, Omar est meilleur que Othman, et Othman est meilleur que Ali. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à suivre également leur voie après avoir suivi sa voie sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit comme dans le hadith Al-Irbad Ibn Sariya, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui va vivre, donc dont Allah subhanahu wa ta'ala va allonger la vie, il verra de nombreuses divergences. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne la solution lors de ces divergences. Il nous dit, attachez-vous à ma sunna et à la sunna des quatre califes bien guidés. Al-Khulafa al-Rashidin venant après moi, qui sont Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Addu alayha bin nawajid. Attachez-vous à cette sunna de toutes vos forces. Wa iyyakum wa muhdathat al-umur. Et prenez garde à ne pas innover ou bien à ne pas faire de choses nouvelles dans la religion, car toute chose nouvelle est une innovation. Après les quatre califes, c'est qui vient après eux? L'Ashara, Al-Mubasharuna, Bil-Jannah. Les dix à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la bonne annonce qu'il rentrerait au paradis. Donc parmi ces dix, il y a les quatre califes. Il y a qui ensuite? Talha ibn Ubaydillah. Zubair ibn Al-Awwam. Saad ibn Abi Waqqas. Saad ibn Zayd. Saad ibn Zayd. Abu Ubaida, on l'a dit, je pense. Non, Abu Ubaida ibn Jarrah. Et est Abd al-Rahman ibn Auf. Ça fait 6 plus 4, ça fait 10. Ces gens-là, on les appelle Al-Ashara al-Mubasharun bil-Jannah. Pourquoi on les appelle Al-Ashara al-Mubasharun bil-Jannah? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés au paradis. Toi, il n'y en a pas d'autres? Il y a Bilal, Okasha ibn Mahsan, Thabit ibn Qais, Abdullah ibn Salam. Et pourquoi ces 10, on les appelle les 10 à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a annoncé le paradis? Parce que c'est les meilleurs. Après les 4. En fait, ils ont été cités dans un seul et même hadith. Ces 10, ils ont été cités dans un seul et même hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Abu Bakr fil Jannah, Omar fil Jannah, Uthman fil Jannah, Ali fil Jannah, Talha fil Jannah, il a cité ces 10 là. C'est pour ça que donc ils ont été appelés les 10 à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la bonne annonce qu'il rentrerait au paradis. Et les savants sont unanimes pour dire que c'est les 10 meilleurs compagnons radiyallahu anhu. Après ces 10, nous avons Al-Muhajirun. Al-Muhajirun ceux qui ont embrassé l'islam à la Mecque, au début de l'islam, sont meilleurs que l'Ansar. Thumma Ahl Badr, ceux qui ont participé à la bataille de Badr l'année 2. Ahl Uhud, quelle année Uhud ? L'année 3. Thumma Ashab, Ghazwat al-Ahzab, quelle année ? L'Ahzab, Ghazwat al-Khandaq, l'année 6 de l'Hégire. Ahl Bi'at al-Ridwan, l'année 7 de l'Hégire. ومن هاجر من قبل الفتح بصفة عامة ceux qui ont émigré avant l'Hudaybiyya. Donc tous ces gens-là à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé cette bonne nouvelle d'entrer au paradis, il faut que le musulman également il assure que ces gens-là ils rentreront au paradis. Parmi la croyance des musulmans, des gens de Al-Sunna, le fait qu'on ne peut attester que quelqu'un entrera au paradis ou non. À part ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé le paradis. C'est clair ou pas? Par exemple, on peut dire Abu Bakr fil Jannah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et pour les autres, on dit Narju lil muhsin wa nakhafu ala al-musi. En ce qui concerne les autres musulmans, nous disons, nous espérons pour celui qui a fait des bonnes œuvres et nous craignons pour celui qui en a fait des mauvaises. Mais en aucun cas, on ne peut attester que telle ou telle personne rentrera au paradis, sauf s'il y a donc une révélation apportée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, parmi les chose importante en ce qui concerne les compagnons radiallahu anhum, wujub al-kaf amma shajara baynahum. Il faut que le croyant, le musulman s'abstienne de parler ou de débattre au sujet des divergences et des querelles qu'il y a pu avoir entre les compagnons radiallahu anhum après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en lisant l'histoire, la personne peut, le musulman ou bien le lecteur peut s'apercevoir qu'il y a eu des divergences et des querelles entre les compagnons radiallahu anhu. Donc le musulman, il s'abstient de parler de ces choses-là et de diverger. Et il se contente de citer les vertus des compagnons radiallahu anhu, du fait qu'ils ont embrassé l'islam dans les premiers, ils ont combattu aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont protégé cette religion de toute falsification. Ils ont également propagé l'islam jusqu'à ce qu'il arrive à nous. Et ils ont donné leurs âmes et leurs richesses pour l'islam. Et donc, il est également interdit de les dénigrer ou bien de les insulter. Car celui qui fait cela fait partie des pires créatures, celui qui ose donc insulter ou bien dénigrer un compagnon parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui fait cela, il s'attaque en réalité à la religion tout entière. Car si la personne se permet de parler en mal d'un compagnon radiallahu anhum, il peut ensuite parler en mal d'un second, d'un troisième, etc. etc. Car les compagnons radiallahu anhum, même si nous citons leurs vertus et leurs qualités, en aucun cas nous ne pensons qu'ils sont infaillibles. L'isma lil anbiya wal mursalin. Le fait d'être infaillible est seulement pour les prophètes et les messagers. Les compagnons radiallahu anhum peuvent commettre des erreurs ou bien même des péchés. Mais le musulman donc se contente de citer leurs bonnes qualités comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait dans le Coran. Et pire encore, ceux qui se permettent de traiter les compagnons radiallahu anhum de mécréants ou bien d'apostats comme le font les chiites, celui qui fait cela mérite plus d'être apostat et d'être mécréant que les compagnons radiallahu anhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « La tasubbu ashabi » لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. C'est-à-dire, n'insultez pas mes compagnons, car par celui qui détient mon âme entre ses mains, si l'un d'entre vous dépensait la montagne de Uhud en or. Pour ceux qui ont déjà fait la visite de Médine, la grande montagne de Uhud, si la personne donnait tout cela en or, fi sabilillah, elle ne pourrait atteindre mudda ahadihim. Elle mudd, c'est ça. Si un compagnon radiallahu anhu me dépense cela, fi sabilillah, et que toi tu dépenses tout Uhud en or, tu n'obtiendrais même pas el mudd, ou bien même la moitié d'un mudd. Wala nasifahu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cela à qui? Hein? Taba, qui dit cela? La tasubbu ashabi. Un jour, il y a eu une querelle entre Khalid ibn al-Walid et Abdurrahman ibn Auf. Et Khalid ibn al-Walid sabba Abdurrahman. Il a insulté Abdurrahman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: La tasubbu ashabi. Walladhi nafsi biyadih. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. خالد بن الوليد il a embrassé l'islam après صلح الحديبية. عبد الرحمن بن عوف il fait partie des plus anciens compagnons qui ont embrassé l'islam dès le début à la Mecque. C'est-à-dire que خالد بن الوليد malgré que c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il dépense tout Uhud en or, il n'obtiendra pas المد de عبد الرحمن بن عوف. Malgré que les deux soient des compagnons. Donc que penser de ceux qui sont venus après eux, qui n'ont même pas l'honneur d'avoir pu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni d'avoir pu entendre sa parole, ou bien même d'avoir pu l'accompagner. Également, Jabir radiallahu anha, ja'a ila Aisha radiallahu anha, faqala laha, yawm al-mu'minin, inna al-nas, inna unasan, يتناولون الصحابة حتى أبو بكر وعمر يعني ينالون منهم ويسبونهم ويشتمونهم فقالت رضي الله عنه إن أعمالهم قد انقطعت يعني بالموت إن أعمالهم قد انقطعت ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن لا ينقطع أجورهم. Jabir est venu voir Aïcha radiallahu anha en lui disant: il y a des gens qui parlent mal des compagnons radiallahu anhum et qui insultent les compagnons. Aïcha radiallahu anha, vous voyez la sagesse de Aïcha, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle lui a dit: oh Jabir, leurs œuvres des compagnons se sont arrêtées par la mort. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que leur récompense ne cesse d'augmenter. Car donc, comme vous le savez, Yawm al-Qiyama, il y aura un homme que l'on appelle El-Mouflis, la personne qui est en état de banqueroute. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qui est pour vous la personne en état de banqueroute? Ils l'ont dit: pour nous, la personne, c'est une personne qui ne possède rien, la dirham lahu wa la mata', qui ne possède ni richesse ni bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: inna al-muflisa min ummati man yati yawm al-qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ibadat wa yati qad shatama hadha wa akala mala hadha wa qadhafa hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alayh turihat alayhi سيئات الناس حتى يقذف في النار. Le prophète sallam dit que la personne qui sera en banqueroute yawm al-qiyama, qui aura fait faillite, ce sera celui qui viendra avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de zakat, beaucoup d'adoration, et en même temps il aura insulté un tel, frappé un tel, pris les biens d'un tel, également accusé à tort un tel, et ses bonnes œuvres lui seront prises. Et elles iront en faveur de ces gens-là, en faveur de ces victimes. Et si à la fin, ces hasanats ne suffisent pas, les mauvaises œuvres de ces victimes lui seront jetées dessus, jusqu'à ce qu'ils soient jetés dans le feu de l'enfer. Donc, les compagnons, radiyallahu anhum, leur récompense ne cesse d'augmenter par donc les mauvaises actions de certaines personnes à leur égard. Également, parmi la croyance des musulmans, le fait qu'il faut qu'ils croient que tout compagnon est meilleur que ceux qui sont venus après. Du premier compagnon jusqu'au dernier, ils sont meilleurs que le meilleur des tabi'in. Ils sont meilleurs que le meilleur des tabi'in. Meilleur des tabi'in, il y a divergence. Il y en a certains qui disent Saïd ibn Musayyib, d'autres qui disent Ouais al-Qarani. Bref, tout compagnon, même qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce qu'un instant, il est meilleur que le meilleur des tabi'in. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, lorsqu'on lui a posé la question, Ayyuhuma afdal, Muawiyah ibn Abi Sufyan, am Omar ibn Abdelaziz, c'est qui le meilleur entre eux? On a posé la question à Abdullah ibn Mubarak, qui est le meilleur entre eux? Muawiyah ibn Abi Sufyan ou bien Omar ibn Abdelaziz? C'est quoi la réponse? Muawiyah. Faradiba Abdullah ibn Mubarak. فقال غبار دخل في أنفي معاوية وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمر ابن عبد العزيز ألف مرة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده وهو يقول ربنا ولك الحمد. عبد الله بن مبارك lorsqu'il lui a posé la question qui est le meilleur entre eux, معاوية ابن أبي سفيان et عمر ابن عبد العزيز, il s'est mis en colère et leur a dit, de la poussière qui est entrée dans le nez de Muawiyah alors qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleure que 1000 Omar ibn Abdelaziz. Parmi la fierté de Muawiyah, le fait d'avoir été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'avoir pu dire après Sami' Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd. Donc ça c'est seulement une petite fierté, sans parler du fait d'avoir combattu à ses côtés sallallahu alayhi wa sallam. Donc le meilleur des tous les compagnons, du premier jusqu'au dernier, sont meilleurs que le meilleur des at-tabi'in. Donc comme on a dit, il faut absolument que le musulman ne parle pas en mal des compagnons radiyallahu anhum, et surtout s'il est amené à lire les divergences qu'il y a pu y avoir entre les compagnons radiyallahu anhum, par exemple lors de la bataille de Al-Jamal, l'année 36 de l'Hégire, entre Ali et Talha wa Zubair wa Aisha wa Muawiyah, également l'année 37 de l'Hégire fi Ma'rakat Siffin, entre Ali et Muawiyah. Le musulman, il lit ces choses là mais sans forcément parler en mal des compagnons radiyallahu anhum. Car les compagnons radiyallahu anhum, dans ces histoires-là, hum mujtahidun. Ils ont fait des efforts d'interprétation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, idha ijtahad al-hakim fa asab falahu ajran. Wa idha ijtahad al-hakim fa akhta'a falahu ajrun wahid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lorsque le dirigeant fait un effort de réflexion, ce qu'on appelle l'ijtihad, et qui l'atteint la vérité, il aura deux récompenses. La récompense de la vérité et la récompense de son effort de réflexion. Et si, à l'opposé, il fait un effort de réflexion, mais commet une erreur, il aura une seule récompense, le fait d'avoir fait l'effort de réflexion. Dans tous les cas, ces gens-là sont récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à toi, si tu parles en mal de tous ces gens-là. Premièrement, tu n'es nullement responsable de ce qui s'est passé, donc ça ne sert à rien d'analyser les choses et de parler en mal d'un des deux parties. Et deuxièmement, ces gens-là sont tous décédés et Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés dans le Coran. Allah les a agréés dans le Coran alors qu'il savait subhanahu wa ta'ala ce qui allait se passer dans le futur. Allah il les a agréés dans le Coran alors qu'il savait ce qui allait se passer dans le futur. Allah il a également demandé aux croyants d'invoquer Allah le pardon pour eux. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Allah il nous demande de dire ô Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et à leur tête, les compagnons ont dit Allahu an, et ne met dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Et comme également à leur tête, les compagnons ont dit Allahu anhum, Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Naktafi bihad al-qadr wa sallallahu ta'ala an yarzuqana حب الصحابة رضي الله عنهم وأن يحشرنا معهم بحبنا إياهم وبحبنا لنبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين